sont mariés par pure passion. Après deux mois de fréquentation, ils sont jurés beaucoup de bonheur, le paradis avant qu'ils meurent. Après une belle cérémonie, avec une tonne de confitis, Marcel et Pitula Coron voulaient consommer leur union dans un hôtel à 5 étoiles. Les deux amants se mirent à poil pour souder les liens du mariage. C'était payer un beau voyage. C'est là que le drame fait son entrée pour étriver le pauvre marié. Marcel Coron, 75 ans, demeurait mou et impuissant. Le décrépit garda espoir de démontrer son plein pouvoir pour retrouver tout son élan, misant sa bêche sur le ginseng. Dans un motel à 5 étoiles, les deux amants se mirent à poil pour souder les liens du mariage. C'était payer un beau voyage. Bientôt la nuit se termina, mais l'amoureux ne durcit pas. Le beau voyage à la Barbade se termina en engueulade. Conscient d'avoir déçu la belle, Marcel demande de l'aide au ciel. Mais la réponse à sa prière fut une visite au cimetière. Marcel Coron est mort le même soir. Il fut jugé comme un pervers et allait brûler en l'enfer.